A certain group along his little certain gig guide, and that group is ATV. And he says to his friend, "Oh man, what is band ATV? Oh, they're sort of a bit arty, although none of them have been to art school." And so he says, "Yeah, we're one of these new art rock bands." He says, "Yeah, that's right, they're out. That's what rock and roll is, it's out, isn't it?" But the guy screamed back at him, "I'm fed up with living. I'm fed up with living. I'm fed up with living. In a world where art, where A-R-T equals M-O-N-E-Y, that's money, equals corruption, corruption, corruption. Yeah, I'm fed up with living. I'm fed up with living in a world where art equals money equals corruption." We'll be right back. where art equals money. So I'm gonna go and lay down, and if there's no anyone offering, all I want is another Coke. All I want is another Coke. All I want is another Coke. All I want is another Coke. Straight to my nose. Vous avez 16 ans. Est-ce que vous êtes une beatnik? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un beatnik? C'est quelqu'un qui aime les garçons avec les cheveux longs. Fille ou garçon? Voici les beatniks. Don't let me in. You say that I'm slow, that I never begin. If I run for your body from the very start, they will never know that I'm after your heart. I'm a slow starter, I'll just hold your hand. You thought I'd be a stud, just a blade in the band. One night girls who land their lead. I just want a romance, baby, for me. A romance for me. A romance for me. I've got no one to fall to when I'm in the blue. I think I found someone, baby, that's you. Understand me, consider what I say. Bear with me for a while, we'll see what they say. I'm a slow starter, I'll just hold your hand. You thought I'd be a stud, cause I played in a band. I've had enough of one night girls who land and leave. I just want a romance, baby. Romance for me. Taking an old religion, filling it with a different name, and we're calling it. Enfin, c'est vrai qu'il y a une bonne ambiance générale. Après, c'est forcément, il y a des différends entre certains élèves, mais ouais. Comme dans toutes les classes. Et bah oui, effectivement, le cours de maths, si Mathieu n'était pas venu dessus, je serais venu dessus, par contre, parce que ouais. C'est un brouhaha permanent, c'est... swimming in the ocean. Superstars go hunting. There's needles in the sand. And kids kill their parents to get a Trans Am. It's drought and then it's flood. Diseases in the blood. But the thing that made me cry was when John Cassavetes died. The thing that made me cry was when John Cassavetes died. I cried when John Cassavetes died. A broken heart. It snowed in Malibu. Yosemite burnt down. Planes are flying right into the ground. It's drought and then it's flood. Diseases in blood. But the thing that made me cry was when John Cassavetes died. The thing that made me cry was when John Cassavetes died. I cried when John Cassavetes died. That's what made me cry when John. Contre Contrairement à ce que vous dites, Philippe, si l'on a choisi d'inviter Jacques Lanzmann aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y avait la grève des transports. Sa réputation de marcheur n'étant plus à faire, vous saviez qu'une petite randonnée à travers un Paris paralysé par la gangrène syndicale au marxiste à la botte de Moscou. Laissez-moi vous dire qu'au moins là-bas, le métro, ça roule. Au pas, certes, mais ça roule. Qu'une petite randonnée, disais-je donc, n'était pas pour lui faire peur. Mieux, elle lui fait plaisir, car Jacques Lanzmann est un grand marcheur. D'ailleurs, ça a toujours marché très fort pour lui. Qu'il tâta du journalisme, du roman ou de la chanson, le succès lui a toujours collé aux semelles. Mais ça, tout le monde le sait. Et si l'on s'en tient au seul domaine de la marche à pied, force est de reconnaître que Jacques est une sacrée pointure. S'il ne tenait qu'à lui, il en ferait même sa principale occupation, et c'est du reste entre 39 et 45, période très occupée, qu'il découvre à la fois sa vocation et sa pointure. Du 1942, Fillette, je sais, c'est énorme. Les bruits de bottes de cette sombre époque ne l'incitent pourtant pas à marcher au pas de loi et lui donnent en revanche le goût des voyages lointains. Parti du Piémont en compagnie d'un ami pied noir, il visite Pompéi, le Piéloponnèse, et est reçu en grande pompe en Centrafrique par l'ex-empereur Jean Bedel Mocassin. Mais tout cela n'est qu'un galop d'essai, son but ultime étant d'arriver coûte que coûte à pied par la Chine et à rouler quelques galoches aux bonzesses tibétaines. Après des semelles et des semelles d'efforts, il arrive enfin à pied d'œuvre au Tibet. Mais de terribles épreuves l'attendent. À peine a-t-il franchi la frontière qu'il marche du pied gauche dans une bouse de yak. Il interprète cela comme un signe favorable du destin, mais il se trompe. Son ascension va devenir une véritable descente aux enfers. L'Everest sera son Golgotha. Ses porteurs, qu'il croyait sains, s'avèrent contaminés. L'oxygène se raréfie, il est obligé de s'en fournir au marché noir de Lhasa auprès de spéculateurs chinois. Un jour, il s'évanouit et son Sherpa se voit contraint de lui faire du babouche à babouche. I pray for the birds and I pray for the trees. I pray that the flowers keep smelling so sweet. I pray for the journeys and I pray for the bees. And I pray. And I pray for this. La multitude et l'étendue des forêts indiquent une civilisation encore nouvelle. Le vieux sol du Midi ne conserve presque plus d'arbres et le soleil tombe à plomb sur la terre dépouillée par les hommes. Yeah. Checker. Si mal commencée, la journée se passa fort bien. Nous eûmes encore du porridge froid à midi et du porridge chaud le soir. Porridge et petite bière, mon oncle ne sortait pas de là. If we are attacked by nuclear weapons, these are the warning sounds you must recognize. First, the attack warning. If an attack is expected, the sirens will sound a rising and falling note like this. Une esthéticienne, un chauffeur de taxi, une femme qui a deux boulots. Quatre Iraniens, il y a quelques jours à Téhéran, nous reçoivent dans leur maison ou leur appartement, à l'abri des regards, et acceptent de répondre à une question pourtant bien banale, Chetori, que je prononce mal, mais qui signifie seulement « comment ça va ?». Control your face. That was a David Bowie song. Jusqu'à cet acte de trop, le meurtre d'un chanteur de rap et la tentative ensuite de décapiter le mouvement néo-nazi dont les membres n'ont pas hésité à lancer des Heil Hitler quand certains de ses députés ont été exclus de l'hémicycle tout récemment. Aujourd'hui donc, 3 députés sont en prison, 3 autres en liberté sous caution, plusieurs policiers ont été démis de leurs fonctions et pour la première fois, la droite conservatrice et l'indéboulonnable PASOK sonnent la charge. We'll be right back. stay. Well, I'm not gonna. You're always talking about nothing. Me, I don't wanna do nothing. To me, art is nothing. So, girl, ooh, don't you try. Ooh, don't you try. To push me around. Don't push me around. You always want me to stop, but I don't wanna. You always want me to stop. Well, I'm not gonna. You always talk about nothing. Me, I don't wanna do nothing. To me, art just nothing. So girl, don't you try. Try. Ooh, don't you try to push me around. Don't push me around. Ooh, girl, it makes me so mad. Ooh, girl, it makes me so bad. Don't push me around. What's it again? Don't push me around. What's it again? Yeah. contre, ce qui est supporté, ce sont les écarts, les changements. C'est vrai que on n'est pas obligé de se fâcher parce que ses enfants ou ses parents sont d'un bord politique opposé. Hein. On trouve un certain nombre de familles, donc où bien évidemment la pluralité des opinions arrive à coexister, à s'arranger au travers de toutes sortes de procédés, soit la confrontation, soit au contraire l'évitement. On peut faire dans certaines familles de la politique un tabou, un sujet tabou. Et donc il y a beaucoup de familles dans lesquelles, par exemple, on sait que à l'approche de tel ou tel repas ou réunion familiale ou fête familiale, la consigne va être passée et on va se dire à tout le monde, surtout on n'aborde pas de sujet politique parce que l'on veut préserver ce qui va se passer dans la famille. Donc il y a toutes sortes de stratégies hein, qui font que le désaccord peut être supporté et accepté. Yeah. guerre personnelle, forgé dans la haine, t'as rien de criminel. Guérilla urbaine, guérilla urbaine, guérilla urbaine, guérilla urbaine. Guérilla urbaine, j'ai choisi ton camp. Tant pis s'il me mène à répandre le sang. Yeah. ce ne sera pas plus efficace pour lutter contre la récidive que les sursis avec mise à l'épreuve que nous avons actuellement, puisque ce sont des peines de probation également qui s'exécutent d'abord en milieu ouvert, et ce n'est que si le condamné ne respecte pas les mesures qui lui sont imposées qu'il va en détention. We'll be right back. Parce que de toute façon, le travail, c'est de pousser l'intérieur, retenir l'extérieur. De toute manière, depuis 40 ans que je fais ce métier, je pense que c'est ça. Il dirore Et donc, les premiers tests de dépistage ont été disponibles aussi à ce moment-là. Et les traitements, beaucoup plus tard, puisque les traitements antirétroviraux n'ont été disponibles que dans le début des années 2000, après quelques essais, donc à la fin des années 90 sur le continent. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que les évolutions de transmission n'ont pas été tout à fait les mêmes dans les pays occidentaux. Plutôt une évolution de transmission chez les personnes, donc... ayant des relations sexuelles, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Et puis, sur le continent africain, d'emblée, une transmission hétérosexuelle dominante, sanguine et maternelle, c'est-à-dire de la mère à l'enfant pendant la grossesse, l'accouchement et l'allaitement.